Senegal is a country and the Senegal is a country and the jërëngeen jëf la famille may nuyu ñëpp chat ba chat kulim joom niko moko sama xarit bobu di waxe chat ba chat kulim joom di ziar ñëpp ko nekk dila jox sa waccu way maram fall ya téla duggu han alphonse tin mamadou fay cherno leontine mohamed jibril wad han Makusar, ñepp ma ngi leen di nuyu content na way arona ñew na tay arona fo nekkon dimanche la famille ma ngi nuyu chat ba chat gisuma kenn ko xamne nuyu bi rombu na la ñepp jox na leen ko la reine mère sar bu maroc les lion adja ñepp ma ngi leen di nuyu vraiment ku lim djum japp leen ne ma tollu ci yeen wessu ngeen ko ci man xam ndax deg ngeen ma de ma tollu ci yeen wessu ngeen ko ci man xam nga lutax dafa nek beurep bo xamne waxtan wo am sol Ousmane Thiam mo médecin mang lay ziar bu baakha baax han bugul dara luma jot ziaram ma gra jeelal vitamine yeneep mang len ziar té nak dama leni ñaanal té ñaan bu foot ñeen ñep ne ngeen nel amine yalla bu kenn su ñun def luñ koy xébé ci réew yalla bu kenn def lo xamné wax fu dëgg neex yalla den la ko xébé ci réew mi dafa doy war damay xol legui ma ngi waxtan ak sama ben xarit manako president Macky Sall ci bopam 2008 la genn ci nguru met xablay wat gem yalla wolu yalla xex dem jot ci nguru ku ko waxon 2008 tay preuve lere am nañ ci nako yayi don president 2012 du ko gem lutax mom mu war ñu gëna gëm yalla wala mu war ñu ko gëna wool dama da dégg sama mam ji al maktoum mu doon wax wax ju am solo néna sénégalais gëm ni yalla way wolu wuñ ko defé na lutax mom mu ñu worno mu wor ñu gëna gëm yalla wolu ko xex ñafé ba jot ci réew mi kon ñu nit war nañu am pass pass ndëgeer lay gëm gëm bu tollu ne buñu gisé lenn lo xamné japp nañ né jaadul ci réew warna mëna gëna gën niñ koy défé ñom fitu wolu yalla gëm ko denk ci mbokk ték lépp ci yiw ci téranga ci yar wax ko ci kaddu yi ngi ko wara waxé ci anam bang ko wara waxé ñi ko wara jot jot ko xam nga damay dégg damay lu bari dama ko fi wax fi xamna ñu bari joxna wa papa ale mom lu muy wax ni xam nga waxon na len fi tay damay def ben digression dem Côte d'Ivoire ma dogu ñew nak ci li tax ma ñaan ñaan goor digression bu may def Côte d'Ivoire waxon na len na watara et aller à l'école du président Macky Sall amna wala am waxon na len fi len watara dina éliminer ay candidat ci liste électorale bu noppé ci lolu tek parrainage comme Sénégal nim ko défé éliminer yenn candidat yi dogu jëm ci ay élection lolu la def lolu yépp même stratégie bu Macky Sall def en 2019 tambalé ko ci yak fichier électoral bi ba maîtriser ko mom kessé xey suba tel né bo Khalifa Babacar Sall du and ak man dafa nara xex fi la ko waxé won na ko wutul dossier tekk ko ci kessé bi watara né Guillaume Soro du ma sa and ak man xam nga numay def na ko wutul dossier tekk ko ci kessé bi du génné ko ci liste électorale muy ben ñaarel bi mu ne bagbo dañ ko atté dama koy génné ci liste électorale ñetté dess nak ay Mamadou Coulibaly ak yoyu ma indi système de parrainage comme Sénégal pour dakk na non le président Macky Sall def il est parti à l'école de l'expertise en terme de vote électoral fi la ko waxé won da len ni le watara na def wayé nak Côte d'Ivoire du Sénégal ñaanu ñuko yalla de mu tak jeppet yom na fa lol fofu parce que n'oublions pas que nekkone zone de guerre Big Togo mo dama lay jox secret Big Togo Big Togo men mom lepp lu watara def xam nga Big Togo xaritu ben bakkanu président Macky Sall mom mo fi ñewon gagné ci li nga xamné modi passeport yi visa yi nan def defu ci dara tous ñu dédommager ko autour de 13 milliards mu yob ñu né déta way ñu joxatu université central bi mëna ko fobé yob mu né dafa nek fay mo fi warona ñew pour ñu wax ko nan lañu défé système parrainage bi pour éliminer yenn candidat yi ci digënté bi Amadou Gon Coulibaly mi nga xamne ñepp xamona nek état de santé mayuko mu bokku ci élection ñu tek ko ci biir élection ba duggal ko ci biir mu nek fi am problème cardiaque dem France faju ci digënté bi mu faat fateliku len benn président mo dem Côte d'Ivoire di jale ji muy kan président Macky Sall lan la ko yob won wax len système parrainage pour éliminer kat motax sous région bi buñuy wax maléni wax fi ñun maintenant il faut dépasser l'étape des petits pays là comme le petit pays conglomérat ben genre nit ñoo xamné seen ngëm ngëm ci walu république ci walu démocratie téggul ci lenn loolul seen bop té loolu di ngeen ko gëna xam ci fi may ñew ci waxtaan ngeen tay Ureba, merci. Gisna, on est de tout cœur avec toi, Pam. Merci beaucoup. Donc, Gisna a son message. Très bien, merci. Donc, may wax rek né lolu mo nek ci li nga xamné mo xew ci rew invalider na candidature Guillaume Soro. Cour africaine des droits de l'homme valider na candidature Guillaume Soro. Mom Alassane Ouattara mo dañ sakku pour ñu remettre IBK par la force mok Alpha Condé nga xamné ñi ngi wuti 3e mandat ñoo dañ feug deun ci bir réunion CDA woné il faut utiliser même la force pour remettre IBK jakarlo ñu neul dikutuma delu ci nguur gi tay cour africaine des droits de l'homme néna nañ valider candidature Guillaume Soro may xaar ban taxaway la ci fassiyena ben taxaway la ci fassiyena dudu legui nak benen mbir mi modi wax rek ne li tax ma ñaan sank na yalla bo def ci rew mi lu lay xéne yalla bu ko nit def di ngeen mako may deglu len ni di ngeen mako may te so len makoy may deglu len parole yima len nara tegal parce que xamul tax makoy tek seigne mustapha si waxon na nit bu lay wax deug deglu deug waye bu nekké né yang koy wadjal tontu de deug lim la wax dedet te deug ga man na la jari yusu nur way nako nañ deglu bu baax lim wax fi ba pare rek ma wax la lutax ma tek ko may dox la conseil lay def ngor sa dini lu gis da fay jeex da nga wet ak sa borom bu yak sa wayu dom ñu xey fan yi ñu deg ben kilifa bu ne ñu def referendum contre la limitation des mandats mané wa xana ñun def ñu won referendum 2016 lutax bañu def referendum 2016 proposition bobu musu ko won yekati wax mu bayyi ba nga xamne tay ji ñi ngi lam lamé 3e mandat dina ko def ak du ko def ñu bëgg ñu indi débat ci lan ci référendum est-ce qu'il faut limiter les mandats ou pas ta ñaka den wax ñoo Daniel Abdou Diouf bokon ci nguuru Ablaye Wade Daniel Ablaye Wade tay ji ñoy posé wat sa débat déggul leen ma dé xam nga dafa am solo motax yeen journaliste bu élection yi gën il faut ñu tokk ñëp ñu wax tax xam nañ constitution bi ñu mëñ ko changer wat pour mu ñëw limitation de mandat loolu wala mu nekk c'est ça vraiment. Moi, je pense que ça doit être le consensus fort du Sénégal, si nous voulons être un exemple en Afrique. On fait entre deux mandats successifs. Kamga, grand serigne de Dakar, Abdoulaye Martar Diop, sama xarit la de. Wante neena man deug fuma fekk fa lay baye. Mom mo soulevé Barki Dembo Ndiaye débat référendum pour la non limitation des mandats. lolu la wax de lolu la non limitation des mandats mom Abdoulaye Makhtar Diop dina ko war ngeen deg limu waxone ci mandat yi jeureujeuf Aaron yonne na ma mbir bi deglu len bu baax dama bëgg mom ci bopam lam ñu waxon la leni tégal Il faut que tu aies une constitution. Mom mi ñu wax tay ji né il est contre la limitation des mandats mom mo ñu waxone li timit motax yeen journaliste bu élection yi gën il faut que ñu wax tan xam né constitution bi ñu mëne ko changer wa am limitation de mandat lolu wat na mu nek non c'est ça vraiment moi je pense que ça doit être le consensus fort du Sénégal si nous voulons être un exemple en Afrique ku fi am deux mandats successifs bayi. Il ne faut pas toucher la conscience sur ce plan. Et ça, Inch'Allah, Mandé Ablamata, quand vous venez de toucher, tu m'auras en face. Ça sera une bagarre. Légui, moi, grand serein de Dakar, notable, Lébouy, Kilifoy, Nyari grand serein, Dakar. Légui, mon nène de fouté courkèr, quand vous venez de plus de deux mandats, t'aïnge kéy, nènyou, non, c'est pas vrai. Je suis contre la limitation des mandats. Yo, sa ban kaddu lañ mëna japp. Na moy kaddu bu wër. Est-ce que man lañ jappé yow ku am kaddu? Est-ce que man la jappé yow ku am kaddu? Kuy wax ta du dañ. Rax ci dolli ak ni limuy tollu ñepp, ñu né yaay seen grand serigne. War la jox ciir war la jox orma war la jox respect war la jox geud bi nga yello demb nga wax li tay nga wax li moy yene ci tan bu len neex ñu deglu wat Abdoulaye Makhtar Diop motax yene journaliste bu election yi il faut ñu tok ñu di wax tan xam nek constitution bi ñu mëne ko changer wat moy am limitation de mandat lolu wat na mu nek non c'est ça vraiment moi je pense que ça doit être le consensus fort du Sénégal si nous voulons être un exemple en Afrique. Vous faites deux mandats successifs, bye. Il ne faut pas toucher la conscience sur ce plan. Et ça, Inch'Allah, Mandé Ablamata, vous faites une retoucher, tu m'auras en face. Ça sera une bagarre. Voilà, ça sera une bagarre. Je vais vous dire que vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de référendum. Parce que dama contre limitation des mandats ban ci Abdoulaye Makhtar Diop lañ mëna japp lolu tax ikuma ma jox la conseil lay def nañ ci set yalla sama mam li la ma wax sama mam da na ma wax na bu la ci tane bu jeng ci bu demé ko bu yof yof fi pour ragal and lu sa ci ñu ci bu la kenn ko ma tan du yalla né lo bu la ala bu yak sa way du do bu la kenn da ma sé do la lo na du ko né ya sa ma ak sa ti lo ti ni do ré ki né da na na fay xan ñu wit sa boro bu dé ala jaru ko bu dé leneen jaru ko ya sa ma ak sa ti lu fi jar jay so ngor ak sa dignité ci xalé bu ndaw président Macky Sall xalé bu ndaw bo xamne bo deful ndag sax sa taw magugo est-ce que sa taw magugo mom ci bopam ndey jimbili ci mom président Macky Sall mom ndey jimbili ci mom nga xamne lima len waxal la fami nagn ko gem de lima len waxone na ngeen ko gem japp ko juriste duñ ci deglu kenn quand on n'a pas un juriste, un constitutionnaliste, yu nek Sénégal, ñu né dañu xarañ lool, mënu ñu bindal constitution bi ba buñ ko liré do am ben interprétation, ya problème. Kon bu problème amé nak xam na may def man. Damay dem ci ndey jimbili ci. Ndey jimbili ci mo mo. Nul ne peut faire deux mandats consécutifs. Wax do xamni kenn xamul président de la République en 2000. Wax do xamni kenn xamul bu mu jëm ak lan moko tax jox. Mom japp na ni démocratie da koy dox. Benn man ma proposé askenu Sénégal. Ndey jimbili ci néna mom président Macky Sall la am ak man problème. Mom ndey jimbili ci la néna mo proposé askenu Sénégal. Wax da fay leer non constitutionnel bo xamné dama né birum mandat yi dafa wara jeex tak ñepp top né jëmi kenn mëna bi tok lo bi ñaari mandat dañ ko bindu mu leer nak ñeen na ko faire plus de deux mandats consécutifs xana kay bu jang toba boko firilé lool wala xamné indépendamment référendum loi 2016 wala loi 91 dañu né mandat bi juroomi at la ben yoon lañ ko mëna renouveler muy donc boku renouveler muy ñaari mandat ñu yokkat ci leneen lu koy tej. Mais de toute façon, quel monde développe n'y a mandat de tagal. Donc, le constitution, donc, il y a le mandat de mandat. Moi, je suis en 2019, les guerres. Si tu as reçu le bureau, beaucoup, beaucoup de Sénégalais, fait que les Japonais ne disent qu'ils se sont. Nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, 2019, ce gouvernement parrainage. Mon nom développe n'y a mandat de tagal. En tout cas, moi, je suis Japonais. Nous, nous, nous, nous, mandat. Monsieur le fait, on va dire c'est mon rôle. Voilà, ma guerre. Je n'écoute pas de juriste. Je ne sais pas si je vote la constitution pour l'an. Pour peut-être que le deuxième mandat, le troisième mandat. Je ne sais pas si je fais, je me souffre. Je me souffre, je me souffre. Je me souffre, je me souffre. Je me souffre, je me souffre. Trop, trop, trop là. Ah non. Dimbi tu du mal de Dieu. Maintenant attends. C'est choquant. C'est choquant. Damay wax cadeau bu gatt. Beaucoup me saxon wax parce que lo ci wax rek mu nek source d'interprétation. Mais suma sañon tay nak man ngeen woté 88 628 18 18 ak extérieur bi xamna légui arono bindal len ko 00221 33 841 21 41 tay man ngeen woté wax sen xalaat ci li nga xamné mom gis na tay bougane gey dani sonko ils font les choux gras de la presse ma japp né ñom ñaar ñoo bokku génération japp ëlëg ak sibir bu ñuy wax ñi defar tirim war nañu mëna bokku ay page de convergence motax wax yoyu ñoo bokku génération kon passe d'arme yoyu ñi waxante amul ndariñ ci kenn ko am gem gem passe passe amul ndariñ ci kenn wa wa diaspora bi namna la nak tay mom fo ngeen wote ma deggul tuti sax gën na xam ci loola ne xam na ngeen tit tax dañ leen waje no ku duggu de mom allo allo papa la ñaan waaw mang la xiar mang la delo ziar ba yaangi am jam ma ngi sante yalla naka yete yi taw taw sante bax man ma ngi bien sor xamna damay lecteur ma ngi bien sor yaangi jige sor takur mang lay ci wurna waaw mang lay ci wur dila baaxal jere jef lo bere bere contane nañ lol lol ci yow nak jere jef jere jef ñun soxla nañ ñoo xamé nañ ni lu neub lu net war nañ ñuko leral ñu xam ba xam lol mom dañ ko soxla bu baakha baakha ba inshallah den ci taxaw man tamit dama japp ne timit ñun suñu réew mi kilifa yi ñu am ni moy politique sain chaque jour ñu ngi wax lu dëgg chaque jour ñu ngi wax lu dëgg bari na ci ñom de kañ lay lolu di jeex kañ lay jeex ñun lolu warna jeex nak ah lolu nak bara mu jeex waaw bara mu jeex il faut ñun ñom jom de faut ñom jomam fit wa lolu mom am no waaw am jom am fit xex wa lolu mom lo am na waaw lolu mom il faut mom lolu mom lo am am la ñoko wara xex la ñi yow mom ñi lay baye xel dila siwur bu baaxa baaxa baax na jerejeuf dila wax nak doom adama wi mom chaque jour amna ño xamé ne fi ni ku tege ci yoon ku ne dañ na ci dal li wak dal li fekk na yote waye ñun non non lolu mom lolu mom dama amay rax ci ñi ñi wote yëngalu ma sax defuma bokk xam na ma sama préoccupation lumay jox family bi limay jox askan bi baatu bi dal top to bo lu ci le cadet de mes soucis ñom ñolo gëna xam sax légi ñun timi sañ nañ la wax dara waaw ñi ngi ñaan yalla yok sa jamm amin yalla yalla nang ñaan yalla yok sa jamm yow amin yalla yalla nang jerejeuf bu yek dara jaajeuf taw jaajeuf jaajeuf xewal ko jaajeuf mi ngi wone wote ba Ziguinchor ma japp ne muy bugaan di sonko il peuvent se retrouver dans des pages de convergence eulëk ci bi pour réew bu nekk na ñoom ñep défar réew bi rek mo leen ñoo lola fuk te ciowle lan mo indi opposition bi dem na ah allo allo assalam alaykum wa alaykum salam la ci pap mang lay ziar bu baakha baakha baax way te ren mer lañ koy wax ah ren mer na mo nala de wallahi ñang balum tay nak ma feral Non, ma la raw. Ah. Ndal ñu ngi ci li ñuy keur guddu bu bëss taagul rek. Nga, wa gu ah ku ci ñu ngi def naan tax dañ fa ñu suñu guddu mo gëna guddu sax fu nekk di ci guddu. Ndax man dama xamni. Hmm. Man buma déggé yenn façon carte yu déggé ci ay char yu mëni ay apply ma carte job. Ah, man dama waru ci yalla. Man dama naan ana ngor, ana dignité. Hmm. Apply ma carte ba ko yalla suturalé ba mu nekk ci fenêtre ba ñeu duggu ci dugga kër gi mu dëkk sax da ngay wax né directeur sonès moko mu parce que man da ngay bokko pop la doon bëgg jëm ay ci te dégg na mu né ñu da ko jënd mu jël ko lolu mom kenn diko wéñ dégg na ñu né da ko jënd ah woor mu lolu dégg na ko waaw dok ba taxna man dama xamul man li ni ñom ñu yor seen yi njabot yor seen yi nawde yor seen jabal ñu seen yi nawde seen yi doom ay avantage privilège yo xamanteni kepp kuy dem do ko yobbu fi nga koy bax xana gisoo covid bi kilifa yi ñu yobbu rek ana lu ci jar ni ñu koy doxale mom amna lu mu di jënti ñaari grand serigne de Dakar mo Pape Ibrahima Diop ñu def référendum bu kenn ku ne dess gis na la fiya job diko togn nako nagn def referendum fofu ba pare non nagn def referendum fofu ba pare lo lay wax ji benen affaire bi moy man bugal day tan yi demb takoruma parce que nak wax deug yalla fi men Ousmane Sonko mo fi don opposant ñen ñep l'opposition de l'opposition lañu ñoom ñi fi nek ñep bu beccé ñu andon ñu nit wax bu guddé ñu dem lé rek Macky Sall ah doyna war dé amna ko fi tokkañ wax ko Serigne Macky Ndiaye man sañ na tout trop tok na fi wax ko ah non ak Mamadou Lamine Diallo sax wax na né il y a des l'opposition a été piégé par Macky Sall wax nako fi mom wa Macky Sall nak ñom seen bop divisé na len ba paré réussir na ci tekk bi lo xamni ben président musu ko réussir Ah non, il est très fort ceci. Non seulement opposition, mais non, on l'a va le réduire à sa plus simple expression. La population, c'est quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ressources humaines à Jeroute. ñu xex ndax ngat da nga par dama sétan ben vidéo bu ñu duggal ci famille xali bu goor bi wara def ci BFM suba di wax ñi won ci gaal bi ne mom dafa wara def jëne suba ndax ñoom dinañ ko mëna dimbali pour génné ko ci ndox mi ñoñu ne ko 8h30 lañuy mëna ñëw fi da ngay tar légui ngay def bu 18h rek ngay gëna dem tête fo mëna dem da dem fa tok ba sa examen jeex walé di marti sal ñu suñu xaal ci mu yoon ni di ko loyé avion di fo di dem te dëkk bi mel ni mais lu té sénégal yi gën taxaw ci aéroport léopold sanga kom fofu lay démé mba ñu dox dem fekk di ko mermoz bu mu dëkk mais lan mo tax ñun rek ñu tek ñu li rek bu ñu waxé rek Macky Sall wala jabar ñu gën mayé ci ak mayé yu kenn xamul melni ñu wax dañu xifoon ay at lekk ñu te sénégal yi mu ñu waxé duggal seen bop gis nga fi mu nekk ni ñun suñu bop ni ñun ñoo amul opposition bon l'opposition quand même est assez faible amna ben goor gi ma wax na est ce que li ngay wax sax opposition sax da ko wax man ko man de waref mom bu lo def bu lo boko deful du lo wacc motax lima war rek dina ko def mané amuñu opposition te gis nga ñun ñi ñepp son ñang lan mo ñu sonal ngëm ngëm ak conviction lool mo ñu sonal ndax yow momu ku fekkonté né tay ji amelon benen nit nga yuppi bal ma ci wax ji kon tay ji fuñ la woy nga dem fetti di len waaw ndax lool ñu xam nañ ci dara ba ya nga and ak songor diko and ak sénégal yi nga xam ko ni am nañu jom bëgg nañ ko fi dal Bassil Médial Ousmane Sonko ñom lañu fi gis ñu taxaw ben taxaway bo xamantene bi xam nañ ci wax xana duma ko dal ma ngi sant di len gëreum jërëjëf la reine mère nam mo na la torop na wallahi mala do ma dañu waxtaan ci whatsapp bi inshallah inshallah merci beaucoup jërëjëf jërëjëf allo wa allo ci fegi wa ma ngi ziar ñu lay delo ziar lu bare bare ma nglay wo Italie wa Italie wa say mom tay mom wala ma jot na suma ko fe suma xarit ah très bien ñu lay déggé wax dëgg yalla ñu lay bégal lu bari bari pap jërëjëf ni ñëpp di def quoi dëgg la jërëjëf ah xam nga yalla na la yalla laq ya ko amin yalla nangul lepp xam ah lepp yalla dal kep kuy liggéey sa dëkk mom xamal ni amul dara lu la mëna faxal bu tit bu ragal inshallah wa bo xolé nit ñi defo leen dara pap jot la sax dafa jafé kon xam nga ni defo leen dara joko yoxo leen re joxo kenn naan deug la wa mais nit ñang ginaaw di leen ñaanal kep ko la woré da lay ñaanal pap deug la jërëjëf yalla na yalla nangu ñaan yépp yalla na la yalla defal japp defal ko ñepp quoi defal ko amin defal ko fami bi yépp wa man suma waxtu sori quoi parce que damay jaar fi gaay jaaro rek ñi nga xamni ñi nga xëccio pour statut de position bi xana ñu ñom ñoo geddon dem tay ku len fekk ñi xëccio wala di ci wax wa man ku fanda wax deug yaa nit wor ci wax sax comme ñom bi affaire bi passé dañoo dem nek seen nek ñent nit xobu jurum nek ñent pardon dem ni ñom woruñ ci Macky Sall dafa gagné na kon bok tay buñ len wowe waruñu won dañu waxon dal fuñ nekkon dal demb lañu ra nek tay man damaay sétan wax joju mom buñ sax sori mo leni sétan ñu deglu rek way actuellement nit ñi kenn buñ len nax quoi actuellement nit ñi mag nañ dal sénégal yi vraiment mag nañ bari na ño xamne actuellement li wayana ma da dox da fanan wa nit ñi actuellement ñu ngi da fanan ñu ñaan yalla rek même après vote biñu wara def ni buñ xaarul ba 2022 wala 2023 nit ñi xam nañ fi leen di japp mom dal na ñepp and rek inshallah na ñepp yalla baax yow dal xam nga duma yagg ci dem yalla yalla defal japp amin amin amin jerejeuf ñu ngi leen di baax way ñu ñu wayi tan yépp sa santi ba rek naqat rek bal na la ay je wa na mo na leen ni la gey gay dama leen namu duñu ko ci deug allo Assalamu alaikum. Wa, ki rek ki bu ko gëjë dëgg. Wa, gis nga ko dé. Dama ko bé, jëw ci lo nek. Ah, wa, gis nga ko dé, tay nak mo ma ngi siiw bu baax, kërok may bëggoon dugg, dafa nañ di live donc ko ré ba fa ga jaar daal di ko ko. Ma do ba waxé tektal bi la. Wa. Ta vidé, bañ ci jamm rek bañ sant yalla bu wër way day sant day wa wa wa ki bi moy xawa de ko ne jottu ko réseau bi wa ma ngi sant yalla bu baax way moi franchement vraiment yalla yalla te ci yoonu jamm mbiru cëri te musul la ciatak lami amin amin amin yalla yalla nangu xam nga Sénégal mom chaque jour rek bis bu yalla sak yalla tek ñu natou xam nga ñun Sénégal li ben mag daan wax rek gis nga buñu bëggee Sénégal bu baax fat ñu am ay Sénégal yu baax moy base bi te Sénégal yu baax nak faaw état bi ci benn côté jappal ñu ci éducation yi absolument ndax gis nga li ñuy wax ni ci ñoom Macky Sall yooyu buñu fatte ni ci société sénégalaise lañu génné xam nga dañ daan wax naan yar yu jëkk ya éducation bu ñëkk bu moo gën a baax éducation léegi nekkam ay classe ñoom Moussa Fagnel ñoom classe Mère El Hadj Diouf ñoom Macky Sall nekkam ñoom ñoo mën a génn ci yar yu jëkk ya di mën a yor ci koy yi kon imagine ñun suñu génération ñun yan façon catégorie politique ñoom na nar a génn au futur dana war de parce que suñu éducation gën a yées kon nañ jàppalante ci suñu biir Sénégalais ñu indi waat solidarité nañu indi waat jàppalante te xam ne xeexante bi daru ko fi te fi mel nii mbënd mii ngay gis honnêtement mais yeneen dëkk yëpp lay affecté mais différence bi mooy naka lañ koy géré. xam nga keroog ñëpp a ngi koy naqarlu mooy DG wu Sonago je sais pas. di muy wax naan que waaye parce que affaire de problème de ci loko problème de recensement xawma njur gi lañ war a waaj. njur gi lañ war a waaj. mais kooku def ni yàpp kooku xanaa demul Chine xanaa demul Inde demul Indonésie demul Nigeria gi ñu gën a jege ñun Sénégal xanaa on fait parmi les pays les moins peuplés en Afrique. kon tey nit ñi nañu na politiciens yi jël seen responsabilité. parce que affaire bi luñ leen wax ñuy wut excuse ñuy wut explication ñun on en a pas besoin ay résultat la ñu soxla. absolument. huit ans wu yàlla nag Sénégalais yi aussi vraiment lu ci njaar ñoom ñooy njaar parce que ñu tamit bëgguluñu suñu bopp lu baax. parce que huit ans wu yàlla ñu dund Macky Sall élection ñëw ñu amu occasion jëlee ko si wëlbatiku waat faluwaat falaat ko ba pare bëgg fee taxaw di kaas. la yoo xam te ne tamit kenn xam loo bëgg ko. di la remercier nag vraiment te yàlla nga gudd fan. te amin amin mon cher chaque jour sa émission duñ ko mos a rate quoi. merci beaucoup Faye moo demee kontaan nañ trop. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. voilà xam nga débat biñ fi bëgg a soulevé di wax ne wooy inondation yi buñ ko politiquee c' est pas la politisation mais xam nga loolu naa leen wax lan mooy débat bi au fond. allo allo. allo allo. oui. maa ngi lay ziar bu baax. ñu ngi lay delloo ziar bu wér. di la ñaanal jàmm ak salaam ak tawfiq. amiin yàlla na yàlla nangu. dañu naan la yokkute bu baax bu baax Bakary Sow Khadim. amiin amiin amiin amiin yàlla yàlla nangu. ah ñu ngi lay ñaanal moom yàlla yàlla si borom yokk bu baax a baax a baax. amiin amiin yàlla yàlla nangu ñaan yëpp. li ngay def nii moom am na solo lool. jërëjëf. yàlla si borom gudd a safal. man de maa ngi la nawe woon ci en tout cas tribunal dajee na fi ci parafa xalifa ginnaa na waroon doxalee. yàlla la yàlla taxaw. amiin yàlla yàlla taxaw ñun ñëpp. ar. yàlla sutural. amiin jërëjëf jërëjëf. ngeen daal yaa si ñuy bët yaa si ñuy tànk. jërëjëf. boo taayee rek dinañ sonn. yàlla yàlla nangu lépp. opposition bi. jërëjëf waay. opposition bi. waaw opposition bi waaw. yàlla mu ngi naan day def problème économie. élection yi locales yi nii da koy tëgg bu yeboo gars yi jëm ci liggéey yi. waaw c' est vrai de. parce que tourner économie bi muy def nii. ay campagne yi. maa ngi ñëw ci loolu buñ ma mayee tuuti rek. merci dinaa ci ñëw waxtaan ci. naa ci ñëw tuuti rek. jërëjëf. jaajëf merci beaucoup. allo. allo. allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam waaw ngi ziar. man la Yaay Abi Diop depuis Paris. Yaay Abi Diop maa ngi lay ziar. dello ziar papa de. yàlla yàlla nangu. yàlla yàlla nangu. amin amin amin ah gouvernement union nationale bi de. waaw loolu la ñuy wax de. man pour man te cirque c' est tout cirque la. cirque la et puis vraiment ru ci propos Ablaye Matar Diop bi. pour quelqu' un boo xam ne yàgg nga occupé poste ci biir dëkk bi di jël exemple France, c'est li mu wax ci France yëpp dara du tout. Parce que Macron du moom mooy choisir députés français. Les députés français, c'est des personnes qui ont été élues. Absolument. Par le peuple. Absolument. Macron musul choisir ay députés. Loolu mu doon wax yooyu yëpp dara amul. Té bu né ñu ñoom bu ñu wax loolu man dama fogné xana dañu fogné ñu ñu sétane té wala xam ñu lu xaw France. Exactement. Attends, exactement. Loolu mu wax yëpp benn dëgg nekk ci. Té franchement sa loolu ci foko. Buy wote référendum vraiment pour affaire ou troisième mandat. Na wote référendum déjà pour nommer grand serigne de Dakar déjà. Parce qu'il y a deux grands serignes, kenn xamul kan mo ci biñu fal ak kan ak biñu fal. Kan mo bu mal ak kan moy bo xamne du bu mat sal. Voilà, yag nañ ci dëkk bi xam nañ li fa xew. Je pense que Macky Sall da bu bëgg précipiter certaines personnes l'opposition dans le coup. Ci nekk ni wala na incompétence bu fu jusqu'au bout. Cepp kuy opposant bokku gouvernement d'union nationale xamal ne sénégalais yi ré nañ na ci liste bi. C'est terminé. C'est terminé parce que nous sommes... Ah, tu seras comptable du bilan, hein. Tu seras comptable du bilan. Voilà. Absolument. Voilà. C'est compétence, moi. J'ai dit, c'est une honte. Imaginez cette inondation. Gagne-t-elle pour nous, nous, qui butons le réunion du Covid. C'est tout ce qui est. Hein? 1960, c'est lui, à mon fond. Tant que c'est mon inondé ou l'île, c'est lui, à mon fond. Donc, nous avons mis ce qui est. C'est pas des milliards ou des sacs de vignes à arranger le problème de l'année. Nañu défar infrastructure nekk ci Sénégal nañu défar sécurité ñun biñu nekké Dakar duggal Dakar yagge Dakar ndox mi bu daan taay di dugg ci bir rigol yi kenn yi dem ci bir caligo yi mais légui loolu yëpp amatu nañu liggéey ci tebi mo gëna 767 milliards nañu di vivre comme ça c'est impensable normal ay plan 2012 2020 2050 loolu arrangé wu ñu té loolu faalé wu ko mbirum PR bi tam mën nañ né sam sét absolument à rien fini nek France amna bill yo xamné day grand bill terre amu fa ay bill yo fa am bu ñu sonal voilà papa ale ma ngi ñëm fi parce que amna ñu bëgg tuddi jërëjëf merci beaucoup merci beaucoup gey joro jërëjëf jërëjëf merci papa ale merci allo allo papa ale waaw ma ngi lay ziar ñu ngi dalo ziar bu baax la ñaanal wër bu do fat amen yalla na yalla nangu dina mi mi mi mi man nak ya sét mo bu war wax moy irrigation bi ñi wax ni lo xamné tay la yaay dég parce que tamit ñu suñu gouvernement yi moy dañu ñoo foré sénégalais parce que ñom bu ñu ñëwé li ñu wara liggéey duñ ko laal bi ma laal parce que dañu sëna population bi ñu Sénégal nga taw jeunesse nga wax jeunesse bi nek Sénégal way waxtaan ak ñoom da ngay xamné ñi ci bopam xamuñu concept add muy doxé da ngay wax ak ñoom ben politicien ñew fi may leen ben 2500 dal auto dem mais bay waxtaan ak ñoom sir bi dañ nan la yow da nga farci diw par mané ko question farci diw parce que ci bi ngeen tok Sénégal gën leen à l'étranger bu leen xam add muy doxé ñun ñi nek à l'étranger ñu direct à l'étranger ñu xamnañ ko sax dañu taxé bo déggé ñu ñam présenté ba waxé ñu le soko nga faral wala nénénénén ñu tessu peut-être mom limuy tégga limuy tégga je mom ñu mëna tégg suñu bop mais nak waxu ñu né mom bu ñu dañu def lolu yaay dégg waaw moy lolu mëna ko tay ñu togué ñofi di wax ak yeen ñu bu ñu kaasé yeen di wax ak yeen dañu bëgg tay Sénégal am 100 ans bo xamni tay bu salaire ci do fait ni salaire 100000 francs wala 200000 ku ci am militaire bi police bi joxe ko 500000 ay dé bu ko defé affaire dana am changement mais nak bu ñëw jël ay ressources nak rek ñëpp ay ñu fikko ko ci bor lu ñu liggéey def ko seen doom yi ak seen compte bancaire yi di dem lu leen neex ñu ko ko dama ko ci waxe ni parce que lool mo tax tay police bu tam 500000 militaire bi mo lool mo tax mu tam salaire 500000 mëna am kër mëna am auto ko ci retraite Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo D'expérience sur politique et stratégie de communication, moi, je suis un peu de commentaire. Très, très bien. Je suis commentaire. Stratégie, si on est sénégalais, d'en juger, point barre. Nous avons une folle. Nous avons une carte. Nous avons une folle. Nous avons une folle. Jugement de valeur, nous avons une folle. Nous avons une folle. Parce que nous avons une folle pour la famille. Allô? Allô? Assalamu alaikum. Malikum salam. Pap mang lay ziaré mang lay delo ziar taxaw sam la amin yalna yalla nangou ar njabot amin ci bag bala amin xeb non yalna yalla sam wa groupe bi amin famille bi yeb man ki mujju wax waw wajjo ni wax grand waw nga woyé petit serigne de Dakar parce que nit il muskala nit serigne wax mouron na bala ngay wacce sa bop nga sa bammel ci sour sa bop mais nit bo jaay sa mbor ndax alal aduna parce way bi ngay am sa gannaaw man sax dama ko rouss de len ko woy petit serigne de Dakar gis nga am na nit mak ñoo xamni ku len sa nañ ko nangu parce que ñoko def et puis lima cey tek moy divertissement la parce que xam na nguur gi neena defal na lepp lepp baxna investir yalla ak lay di wad ke def len fi dara yalla ce n'est que le commencement donc les gens se rendent compte que et par terre le terre tout le monde sait que rien n'a été fait dans les normes le comme nous tout déjà lolu rien n'a été fait dans les normes berté je ne parle pas de je sais même pas ça parce que ils ont tellement floué les sénégalais que yalla ci bopam mo len di wedd ci pont yu def prévoir une fondox dia yalla leg di wedd te li ce n'est que le début Macky Sall na encore rien vu gis nga ni koy protéger nañu divestir ni nañu wax lu len neex mais yalla ni ñu ko te gisagul dara parce que mëno nakaral sénégalais yi ba do lay di souffrir nga teud di lek sen alal yak sa njabot sa yaram daw man buma gisé ñu ci ndox mi Macky Sall teud keur nek ci lu sec billahi dama nan ki ak sa yaramam dina daw suma gisse les ministres suma les députés ku nek ko julon sa njabot dool ko ci dox mi ay ministre warul fanan keureum député warul fanan keureum je ne parle même pas des autres responsables tay ci ku nek yaangi warul wax ci dox mi wala nga jël ben famille ñu def ça mais vous regardez les gens dans la souffrance ñeen di tedd seen kër di dawal seen oto yu nga xam ni moom alalu askan bi la. Man nee naa ministre bu fi tabaxu kër 50 million moomoo ko donc ko sàcc. Absolument. Ministre bu ci yem ci alalam bu xëyee di nga boo ci bu ceebi xonqee zéro dee le 15 day road nga balaa bu weer dee bu weex comme ñëpp les Sénégalais. Mais boo jëlee alalu askan bi nga war a investir dans le développement des Sénégalais dans la santé dans tout lekk ko lekk kak say njaboot. Mais c'est normal que le pays se trouve dans cet état. C'est normal. Moi, je suis un divertissement. Il y a une petite série de Dakar, un divertissement pour cacher l'échec du gouvernement de Macky Sall. Il y a Macky Sall, il doit rendre sa démission. Il y a un gore. Il y a un Sénégal qui a été élection. Il y a un mot qui a été élection. Il y a un élection. Il y a un mot qui a été élection. Il y a un mot qui a été élection. Il y a illégitime. Il y a un mot qui a été illégitime. Ñu jël xaalis bi rek taxu lekk ko di xaal nag ñu yàlla ndeysaan dina dem noor yàlla ñu leen tuddi jaar Covid ñëw wane leur faille ñu ni dégg na waay inondation ñëw il a à terre le Sénégal. Mais lii ce n'est que le début. Yàlla nañu yàlla ak teg gouvernement Macky Sall bi naqal bi ñu teg Sénégalais yi yàlla na ko yàlla fexe fu mu jóge ci réew mi parce que c'est man franchement je n'ai plus rien à dire parce que je suis tellement découragé que mais yàlla baax Amin. Pap. Waaw. Sénégal. Sénégal du dem. Xam nga du dem. Ab dëkk. Waaw. Justice moo ko nal. Justice. Warul am sant. Waaw. Warul am profession. Warul am appartenance religieuse. Absolument. Warul am parloo. Absolument. Dëkk bu ñu demee ba nga xam ne ñu neex waaye def. Dëkk ba mënul dem. Aujourd'hui, ni sanan ci ndox mi waroon na tax képp koo xam ne jox nañ la ndox ba tànk doo fa nan sa kër. Il est impensable que ay nit di sanan ci ndox mi di togg ci ndox mi di fa nekk. Le président de la République xëy dem di ñu naaje daan dafay dem ci ay sama itam xamul. Ah en tout cas dañ si méprisant à la limite. Non attends pap nañ waxante dëkk mënuñu nekk dëkk boo xam ne programme bu ñu teg. Scandale dugg fa. Absolument. Lu ñu la am scandale. Loolu moo ma njëkk ëllëg man. Sénégal loolu teg ci projet gars yi na ko fodeek lekk. Mais projet boo teg. Et les mêmes personnes. Même teg te personne ñoo koy lekk. Sénégal yi ne nemm duñ wax. Ku ci nekk jaay sa ngor. Fan la ñu demee. Non. Ma papa dem ma ne ma ne maa ngi lay wax ci ma ne la. Sénégal. Ku am jombu jombu. Waaw. Am luy rus. Am luy bañ. Nekk ni ci conviction. Ba pare yàlla may la nga xam li xew. Yaa gën a naqati dund Sénégal. Waaw day métti. Soo xamee li xew. Am luy jombu. Am luy rus. Te dund moo gën a naqati Sénégal. Ah dafay métti. Su fekkente ne yow bañoo dara. Amoo jombu jombu. Amoo ngor amoo dignité. Amoo looy rus. Tant que way wasak buy say doom. Yeah. Da ngay dund dund bu neex. Waaw. Parce que lu la neex nga wax. Ñàkk jom. Lu la neex nga def. Ñàkk jom. Ñàkk jom. Nga wax leen la ci yow. Ñàkk jom. Aujourd'hui soo déglu Ablaye Matar li mu wax j' ai envie de pleurer. Paam ñaata milliard la fi jëlee ci la fi ni sàcc ci dëkk bi. Mais milliard yi xëy na ci canalisation de Dakar. Dëkk bu ci nekk milliard yi ñu fa détourné mën na ko canaliser. Dëgg yàlla. Boo demee Kaolack milliard yi ñu fa jël mën na canaliser Kaolack. Soo ñëwee. Bëggoon naa leen ñemal sax benn affaire ci xam nga day def tournée économique. Boo leen ma may après 2 minutes ma may 2 minutes 3 minutes rek ma ñemal leen ay affaire fii. Waaw ngeen dégg. Dëkk bu ki nekk xaalis dafay gën a mën a canaliser dëkk bi. Mais chaque année, les mêmes problèmes. Non, mais... Mais pas, pas le même. Ni que j'ai dit, n'y a pas de problème. Ni que j'ai dit, n'y a pas de Sénégal, là, Sénégal, buñ gëm ñoom bu gundaan daat ba daal Sénégal buñ gëm di gundaan daat di ba daal ma daal di lek xaalif ñun ñi nga xamne nak ñun ñoo joxe xaalif président bu ñu neen dañ ko wax ah ko fi wax de lo li wax bëna war lo il faut qu'on se bat et jaay jouer ko fi ñap le combat mo ngi jëlé consciente la jëlé doit être consciente que la bonne idée c'est entre notre main waxuma sax buñ TikTok waye mais bo TikTok é ñu dem man ma ngi ci TikTok mais man ay ay ki la leni envoyer ay ay vidéo yo xamné ça parle du Sénégal waxu mo ci Sénégal nén ci taw tamé nak wax lén timit ci réew mi parce que bala nga tal fétcha way ak reprendre chance au nit xana nga nek ci jamm nek ci lén ni mais quand même pap waaw docteur stop tapé le coin waaw ta affaire di dox ha nga yaakar né bokku lo ci rer rer mbir ngay nax sa bokk mëna am amo ben nationalité moy Sénégal. Quand le Sénégal ne marche pas, qui est concerné? S'il y a des dettes, ça doit être fait, ça doit être fait. Donc il faut que les gens arrêtent. Non, absolument. Tout le monde est concerné, même les petits bocs. Absolument. Continuez, vous avez dit que ça doit être fait. Vous avez délégué à l'échec. Ah, vous avez dit. Non, vous avez dit que vous avez dit. Merci beaucoup, médecin. Mon médecin. Wow. Merci beaucoup, Djerejev. Ciao. Jerejef ni la top ni lay sibe yepp sa deug ko tax ni gele deug deug la jerejef ay du ñu yag ci liñ bi man nak li moy dugg ci sa ci xafel am be ma ngi wote San Francisco ci ingénieur la fi ci software di université Berkeley bi quoi tout à fait li mo doon bëgg wax sax waaw arakallah li mo doon bëgg wax moy il faut que ñu xalaat suñu génération ñu ndaw ñi parce que pas ñi jitu duñu exemplaire duñu modèle parce que ay fecc ca ko ndaw rapil lañ fac rek ñu seen nit ci du dara wax ju yaq rek lañuy wax dara li ci gëm man li may xalaat moy suñu doom yi au moins ñi tan école ñi nek di université bu ñu demé bu dugg ci politique ñu am référence ci nit mais du ci tek ci ñom c'est important ñu ko am cap c'est important ci kenn parce que bir ni ñu ñi nek di sax ci do Sénégal ñan depuis jande fi am fi ligue ñu sax am na méthode go xamné dañ ko top ci réew on ko sambi bayil bu bay bu def yi nga xamné ñoo ci ci Sénégal bu fekke la mam ak do wax nit dafa wara am kaddu te kenn amu ci kaddu ku la ci wax li bu tedde nalaw fatte lam yi wax wax yi fa lañu jëm ci Sénégal fa lañu jëm ci pap doy na wax fay am kaddu xama ba ada fa ya xibadallah nit dafa fon ko kaddu lo yow fatale ci bu la nit ñi fonké di la tekk sa émission ngir sa kaddu ak sa jambar té tax deug la jërëjëf li bëss bu ñu yéwo fekk sa kaddu rotré la famille ñepp di nañ la ba ndax bëgg tax ñu andax yow subhanallah ñi di ñaanal ñepp jërëjëf jërëjëf am saxal leen ci tepp yalla mi am leen naqal leen bokkum naqal leen yaq yépp bi jax yar yalla yalla nang yalla yalla bokk ci famille bi ñepp kep koy dugg ci sa famille bi am tokk ci yow yalla yalla tek ci mom loxo amin amin yalla yalla nang yalla yalla nang jërëjëf jërëjëf Allô. Oui, salam alaikum. Alaikum salam. Ah, tonton, nanga def man la salew. Sa salew, mon neveu, tu vas bien? Ça va, ça va, nanga def. La famille ñu ko ci jamm? Ouais, ça va, alhamdoulillah. Ça va très bien. Ok, ñu ci jamm. Ni ngi sant Yalla bu baax. Waaw, man da bëggon participer. Lu moy wax bariwul. Juste à propos de peut-être ñaari point moy bi ñëk moy intervention Ousmane Sonko bu mën sétan sank xamna demb la ci nak mais pour man parfois il est un peu maladroit quoi parce que nit aussi li ñuy wax nan boy yott waro di saxet pour man defa war na ci duggal lolu ci communication quoi jëm xol comment il va faire mëna japp lim bëgg té bu du ëpp ñin ñi quoi c'est-à-dire tay bo gi nekk ci opposition ni par exemple Bougane même bu fekkante ni peut-être waxul ak mom on sait jamais mais war na mëna def le tout ba jëm ko Amadou wala jëm xol num def ba récupérer beaucoup génération sa war nañ mëna waxtaan trouver des pages de convergence. Voilà. Moi, je pense que ni quoi qu'il arrive, ñom ay jeune lañ ñoo nek ci terrain bi ñom ñaan ñep amna ñir mënon ñoo def le tout pour retrouver ou quoi. Et kenn du ci heurté sa morom. Pour mon point bobu warna xolat comment il gère sa communication quoi bu bëgg en tout cas am lim bëgg. Voilà. Benen point moy man je trouve que sénégalais aussi sonnuñ quoi parce que imagine sonnuñ. Sonnuñ nan dé. Non, ku sonu dang kay woné. Ben ñu ñu leen di sonnal quoi. Ñin ñi nekk à l'étranger peut-être ñun dañuy japp né dañuy son. Ñun ñoy def le tout pour def le tout ba atténuer problème yoy. Mais man voilà, en tout cas dañu ci bi ma mujjé ci dal, man pour man son quoi. Parce que ku sonu di nga juk xéxal sa bop quoi. Woné que ni vraiment on en a marre wala ñu xol benen solution buñ def pour yëkati Macky Sall quoi. Parce que pour li may fumay wax yow ni amna des points yo xamanteni tay bokku na ci li wara yëkati Macky Sall té ba légui ñi ñu ko tikki moy tay le problème des cartes électeurs. C'est vrai problème carte électeurs tay nit ñi waru ñu bayam set war nañu def le tout ku ci nek jot sa carte ñi inscrire won dem inscrire préparer sen bop ñaa ñu gën dene loolu dañ ko tek ci souf di xaar veille élection pour ñu mën ci taxaw. Pour mon veille élection, ça fait les maquilleurs de film de la roue pareil. Donc, cher, dit-il maintenant, il ne faut pas attendre. Voilà, pour mon. Voilà. En tout cas, pour que tu aies dit les filles maquilleurs, dit les filles, en tout cas, qui auraient succédé, c'est maintenant le combat, quoi. Il faut nous faire les plus hauts pour une autre carte électrique, inscrire, ni voir inscrire, et puis préparer son bop. Absolument. Voilà. Ça, c'est fondamental. Lolo, voilà. En tout cas, yow tamit di le remercier ñi ngi sétan di wala. Merci beaucoup mon neveu Saliou. Jërëjëf. Yalla dëgëral la ko. Non, gaay yi toj di wax na ma non, c'est mon neveu. C'est mon neveu la mom. Bi al paré bé ñu bokk ay lédo parade, c'est mon neveu. Il a raison. Ah, gis nga. Il a raison. Gaay yi toj jox na non. Graak ce ki magula non, ki su ko neveu la. Man la bëggu répondre ci ñoo à quoi sert un gouvernement d'union c'est pour un troisième mandat du. C'est pas totalement faux. Voilà, donc maintenant là, dit. Et puis, mais il faut que l'élection est idio, elles vont être reportées. Mais qu'on reporte à l'autre. Local. Local, oui. Nous comprenons, dès que vous avez des politiciens, des gens qui ont fait une pause café, nous avons fait un mandat. encore comme ça si de rien n'était. Exactement. Une fois, reporté une fois. Li bu li ki don wax num tuddu Bartlem. Munema est munena mais je suis en train de faire mon troisième mandat parce que mon mandat jaxna bu yag. Bien sûr. Donc en fait lol mino c'est très important parce que moi wone que né Sénégal dafa am on a une nouvelle classe sociale bo xamné c'est des politiciens donc ñom seen intérêt lañ xol ñu intérêt askan donc légui ñun askan bu toké di sétal kenn défendre suñu intérêt donc il faut que askan bi djuk wone bopam donc tant qu'on n'aura pas fait ça on sera face à des comportements comme ça absolument donc voilà lol la bugal pour moi merci beaucoup jerejef voilà koku demna comme il y a pas encore d'appel xam nga débat bi yeup ci ciow way dañuy politiser inondation yeuy mais ciow politisation inondation le président Macky Sall est mal placé avec ses hommes pour ñu wax xam nga lutax Macky Sall en 2010 wax na len fi man ma len deglu en 2010 bobu mi ngi wut nguur nek dans l'opposition gaay lima len wax ni dem len ci youtube bi ngeen tapé Macky Sall yeumbal di ngeen ko gis mo do wax yeumbal ndax mbënd bi wacce len ci bedd bi allo mama alaykoum salam mon frère mang lay ziar ay delo ziar di la bëggé woon philippe manus allo man la ko frère waaw mang lay deglu wa ñu lay bëggé bu wër mang lay fay bu bari jëre jox mais papa dafa amul ben wax bu gatt rek mo bëggoon ñu bay ci xel ay ci tout ma laj dox waaw dox a dëgg parfois gaay di critiquer yeen comportement sonko yi waaw mais papa ala nam ngay mëne xamé adversaire bu toll ni bo xamanteni ba mu nekké ci nguuru Sénégal ba légui dara lu doxal yoon dafa ko nga wara mëna am ay yeen sentiment yak mo ben ni jogé sot papa ala ma la dal benen affaire ben ci opposant au Sénégal ay opposant lañu wala ñom ay xartu Macky Sall lañu wala ay créé Macky Sall lañu légui dafa am lo xamanteni dafa leer nit ki boy def dara dang koy def ba mu jeex ba mu seuk sonko bu jotté bu gan bi tani wara mu am ben ci bu ngi ko pic bu ngi ko sandi du dara xam nga lan la papa ala dañu tollu ci jamono jo xamanteni bu Sénégal ki ko jappé fo ñu jappé wuñ ko ay fo mais ñun dañu ñak fay da sen bop gouvernement au Sénégal dañu ñakal fay da sen bop ba nga dem ba ben moment dafa kurul ci Sénégalais yi ñak fay da gogou nak dama lay wax ben affaire liko fuy dindi moy nit ko am caractère gëm li nga gëm li ngay def mu nek ay nga nek nit ko xamanteni da nga am ambition am fa gëm gëm am foko tek bañ di xol lu neex yu teggu naqati nit lay wax lu leer nañ ni ay stay tay lañu ñu ay nit yu tuk ñu ay nit yu bax kenn waru di raay di leen jëmele fu fu noy way dama ñoom da ngay xex ak ñoom ba teud suko nak taxaway bi mu am non la wara am wax ci waru rafet ak bo dem keur serigne sek serigne dina la waxel ne wala waxul na ñi amuñu benn jëf bu rafet bu ñu fi jëf mu rafet te serigne di waxuñu lan ko day tap ay nit di tej serigne diko wo diko djeglu falawu len jappalel ci bayil ci wala dara falawu ken kon kep ko dem ak mom ci combat bo amé loy falé jappal ni da ngay attendre ci bop mais dara doko am fi ñi duñu ay nit duñu ay nit yu bax ay man ñoo xamanteni luñ da wax duñ ko def ñak gëna ñak tegg ñep ñak gëm seen taddu doomu adama ci ko suuf amu luñu kaddu ñi kenn amu ci kaddu kon yow mi ndaw bu nekké né am nga gëm gëm ba bari bëgg dina dara Sénégal lu bax ñi da ngay ci effacer ci sa dundu dañ ni Sénégal yépp ñoo wara am ful am fayda xam nga ay do ay ndaw ñoo yaakaar ni toxol la toxol ba nga nek toddu askan bi yépp xam nañ ni mu démé mais ngeen bëgg am ñak fayda gu toll ci lam lam ak ñoom kon yeen da ngeen conscient wu ci problème yi Sénégal toll nit day am ful am fayda doom bu digeen boko amé may ko ka ko yor yor ko yor bu rafet la nga bo amé ful di nga tiri sa doom bu fa dé ya ko ray nit day am ful mais Sénégal dañu ñak doom ñak fayda ñak ful ñak gëm seen bop bo waxe ñu xëc tariixa tek bo waxe ñu dëkk ci Islam Muhammad tek bo waxe ñu xëc Yalla tek gëmu ñu tous bo gëmul ñoo ñi nga lan di affronter ci comme ful ak fayda ku gëm Yalla dugul ci bugul baax ci bu nekk tafa nga wala ku ñak tom nga wala ala dañu jëng du ko tawi da ngeen indi ñu nak jup liñu bëgg nit ku këm sa bop suppu mi boy bu këm bopum la opposant bu leer nañ la taxal mu la ko wala kenn na këm limu këm def lu muy def lu ko yalla dox mu jël ma ngi tigol ñepp nak mais Sénégal kep ku ci wax waxu noy du mo sa bop wala ku lolu bax Sénégal ndax fi dara noy fi dara neex ma ngi tigol bax nak pap merci. Wa amna ñu melat ci wa suba amna chronique bu neex ci journal la sansal ci livre bi mbooti ci nek ma ngi ci de sonu na torop nak ma ngi koy jukki suba chronique bi timit dina am inshallah ci alarba bi may wax ne xam nga buñu wax affaire politisation tay na gaay ne nañ ma duma wax ak yeen de allo allo waaw allo allo ma ngi lay deg de da tamé ñu diam sant yalla wa ñu ah malheureusement il est parti alors may wax né allô allô salam alaykoum wa alaykoum salam fal marem demé dina am chronique inshallah waxtal ko ah elaj pa parlé ma ngi lay ziar modou na nga def sant yalla alhamdoulillah. Ah, di la nuyu, di la ziar, di la balax, di la balax. Bal na laax, nga bal ma ak yewit. Di ñaan Yalla bo lay jéggal, di la encourager, wax deug Yalla ci suñu réew bi rek, bëgg mu dox rek. Hmm. Mën sa taxaway. Jërëjëf. Yalla ñu Yalla, Yalla ñu la Yalla samal. Amin amin amin amin, Yalla Yalla nangu. Mais papa lé, man dal dama xol Sénégal ba yagg mané wa wi. Hmm. Xol alternance bi, deuxième alternance bi 2012, 2011 ñi daj. Hmm. Ba Macky Sall toga hmm mais trahison biñu trahir sénégalais yi man suma xolé ossature gouvernement rek sama xol day tiir ba xamné on a fait un combat pour rien da légui li gëna graw amoy actuellement bi gouvernement bi Macky Sall di wax so moytul di nga ci gissat bay wa PDS yo xamné ñoo lañ doon xex muy lu graw parce que man vraiment dama gis né ñun opposition ak société civile bi ak sénégalais yi ni ñu doon def Ablaye Wade combat bi ñu doon mené pourquoi contre Macky Sall ñu yolamal man lool jaaxal nama quoi Macky Sall fess dafa ay ci sul nda nan nak dé président Macky Sall lool mo sérñum garantir na ko sul nda na ay na ci torop mais Macky pour man buñ na dafa ay politiquement mais man len ay non ay mom du ay avec intelligence non parce que mon buy xex politique rek du ci jombu du ci rousse du ci moralité du ci scrupule lepp lo xamne dañuy wax ne sax li dagay def lolou lolou ay ay stratégie non rek mom jombul dara busul dara ndax Ablaye Wade au moins sax xex nañ ko xex mais amna lu mu doon jom ndax ba gaay laaje ne ko waaw bañu laaje ne ko dañu bëgg ko neutre pour organiser élection yi daf leen ko may waaw jox leen fichier bi ñu chambar ko mais ki dafa mayewul dara et puis dialogue bi man dama gis ci son importance parce que néna la amna point yo xamné Macky du ko nangu mu tamen bi moy joxale waaw ni muy doxale ni mom mi ngi ci dynamique 3e mandat ouais parce que mënu mo comprendre élection yi ni ngi ci élection municipale ni ngi ci tank daxako pour lan on a le temps de l'organiser non fi ngay gis démocratie bo xamné ben nit rek mom mo xam kañ lañuy organiser élection yi moy def lu ko ne ah non. Mais c'est pas normal. Non. Parce que les Sénégalais, il faut une chose. Parce que limay wax fi rek, il faut une révolution. Parce que nous avons un état bo xamné, il y a des lobbies organisés. Même comme niñ koy waxé, il y a les maraudes aussi. Ils sont complices. Il faut que les Sénégalais, surtout la jeunesse, ñu jox taxaw tém pour li dakk. Mais suñ ko defulé, mais li moy continuer, dañ ci dañen ciow. Et puis gis nga yaangi dégg ñu nan le député Djibril Wade ben projet ko waxo bu bëgg dug ak ñen ñi dag ko deg xam nga nak dina la wax ben secret tay ji ci nguur gis nga boy dañuy lambatu di lambatu di lambatu il pousse le bouchon ba bu jour bu mi exploser sen kaw voilà duñ ko sentir bay len ni pousse voilà parce que mamadou diagne bobu la degon dem bok ci quoi la yor nek au ministère là man dama xam mom ban parti la am mom fumu man mom kan moko fal maki 2012 ban parti la am maki 2012 yow yoro kenn yow sa parti kenn ni dongal la nga bëgg taxaw naan wayu lañu def pro kep kuñu radié an au niveau de la fonction publique parce que ya secrétaire d'état moy lan secrétaire d'état moy buñu satialé ñu la wax xam nga suba chronique bi cote len ko 8h30 9h liñuy wax secrétaire d'état banditisme d'état satch alalu réew bi ba paré kenn du ko wax banditisme d'état et puis papa je me dane lay moy gis nga ñi wara teul de kasso ño wër Macky Sall dina ko fa nek ni satchu ñu dara lu dul ay affaireu ginaar ak yu ñak fay reuf fess kasso yi mais satchu yi deug ak trafiquant yek trafiquant phobie ñega ñi ngi ci ginaaw Macky Sall ñop ñep libéré nañ hmm il faut qu'on combatte ce système là système bi moy sunu problème opposition bi lañ am fulla am fayra nek ben baye sen divergence yi tamisu bi lañ ko bayyi le seul combat moy fexel fi Macky Sall la joggé du changer système bi ñen dal makk ñi lay sant di la gërëm allô allô oui allô allô réseau bi baaxul dé allô wa ay ci ñi lay dégg Algérie ngay woté OK Waay Algérie ça va très bien Ay sou tay tay ya ci ligue ba ko Jerejeuf merci beaucoup Ben ñaanal yalla rek yalla yalla am Amin yalla yalla nangu Amin amin wa xam na réew mo met na lu Waaw ñi ñi étranger xam na ci dara Ah ndax ñi yeen bu bon rek yalna yalla soppi lepp amin amin amin amin wayana le tam ya ngam ligue fa dalma kontana trop sante male vivre jerejeuf merci beaucoup merci papa ale male ibrahima ba algérie jerejeuf ok merci papa ale merci beaucoup merci c'est gentil la guerre barba ni déloger waaw kam nga waxna len fi na len gay de dañu namone waxtan namone na len de allo oui sama fiya waaye magi ziar waaye magi ziar bu baxa baxa dañ la fonde magi dañ li jeenti ndax dafa luyé wat avion jëlul avion bi batay de man tay dañ la sot bu baxa baxa dañ ma sot tay mom duma noppi rek tay yena mom mais nak c'est normal parce que ma len togn dimanche dama wara do ubi mané dimanche dama wara do ubi téléphone bi ma tejj ko waaw mo dimanche dama wara do mais tay comme ci sot ngeen ma bayma noppi rek ba jeudi inshallah waaw dañ la sot mom noppi rek nga deglu ñu ma bayma noppi ma deglu leen rek lima paré won yépp akat neex nak waaw oui ak son yi ma len naro tégal bi tay mangi nuy la famille ñepp mangi nuy ñepp jëkke ko ci yow sama cheikh lo ziar bu baax way voilà di nuy la famille ñepp nak ñepp mang leen di nuyu way yow serigne bi gisa koko batay ko kan la serigne bi jëlon avion bi tamana waxal serigne bi gisuma ko wala ko bu jël avion bi de serigne bi gisuma ko de bop xom man na ko bop na xarmati xarmati tax gisuma ko ay day do war bu duré jam li wax senegal ak wok rek mané ko senegal ak wok dañu bëgg digal suñu gaay way ñum ñoy dig bayiko fi inshallah ñum ñoy dig bayiko fi inshallah parce que fim toll ni xel yépp da dem na ci manda bak malik woor na yalla ñepp ko joy fim toll ni ñepp joy da bax parce que dañu yaakaar ne senegal nañu bal nak chaque fois dama koy wax dafa melni amuñu ay kilifata ñun dañ leen yaakaar on comprend plus ñom ñu nek sec hein ñu torturer comme ça parce que là c'est du torture ah waye doy nañu kilifa bu baaxa baax doy nañu cardinal chandou doy nañu dabax malik parce que ci pench mi la ka dan waxe ñepp diko deg te pench ma la ko rek waxe te pench ma la ko rek ko diko deg pour Senegal lepp nak bo amul ki amul ka Senegal yepp la am defote Senegal lepp mais la Senegal fu mu jëm doyna war way nak yalla du nangu ñum ñu digal ko ñum ñoy dig bayiko fi dinañu tok ba diko nessel akama gem lolu dinañu tok ba diko nessel bu sobe yalla té lén lay wax sénégalais gis nga sénégalais nañ ma baal gis nga mbënd bi ak petit corona bi parce que là c'est pas vrai corona est ce que corona bi yalla mo ñu jëppé pap al ñoo jëppé parce que yalla waccu nak ñu bamu joxé xel doom adama dafa ñu mala amna yo xamné ñun ñoko wara baña suñu bop mais mënu ñu tok suñu kër xolé yalla ñoo génné ñu suñu kër génné ñu suñuy lal ñu né ci ndox mi yo bénn nit dong quelques personnes man kal ba su to man da goudi la man la xam nga la dem len ngeen wo mère ñu ñoo ngattandok yeen goudina kan ci mu nek na délégué dem jël mère parce que ils ont rien fait mais mère du ndëkk sa la 90% là ko xolé mère du ndëkk ci localité bi ba wi ils habitent dans le Sénégal moy 70 man Sénégal damay rousse ñu ñu mel ñu dëkk ci biir dex comme ça hein way gis nañu wurna yalla man da sénégalais la way sénégalais bu ñu amul job ak bi dootu ñu amati job nañu dem jël sen carte élection amul ki du voté mais nak jël carte élection taxaw ñu jëlé fi régime bi da bakkan nga ci tek bakkan lu leer la bakkan nga ci tek ki dafa yëngatu ki yëngatuul dé da gis na leen ak ñi sétlu rek bu ñu noyé mu def gis nga ñun ñi di wax ñun ñëpp amna plan bu ñu paré bo manana na len koy satti wax way plan yalla ko tim ki epp ñu xel de dañ ko fal mu tok rek way epp ñu xel dañ ko fal mu tok yaakar ko mu tok suñu yaakar way epp ñu xel man nak population bu lay wax rawati na ñi nek banlieue ken gënu ñoo sakkan banlieue ma sha Allah ñom ñi nek côté résidentiel c'est quelques personnes au Sénégal ñun buñu bëggul dara du nek nañu yew gër yalla buñu leen te comme ay chiffon ko la fiñu fanan ci dox mu vert bi lu ne mën na faane lu ne mën na faane lu ne mën na fa genn kay te buñu secrétaire ñu diré ay saxu ciép sénégalais dafa waram wessu gër yalla da koy ciép yo yaangi fanan ci dox ñu diru saxu ciép jox la ak foko toppé imagine voilà imagine doomu adama rek dina soxla bopam di maté au soir yo nga ne ci dox nit rek la fa jox ciép ak diw man nak li dama koy wax ci touru sénégalais yépp yalla daf ñoo jéppi ndax yëngu ñu lenn bu ñu waxé ñu naan nañ ko bay ci loxo yalla yalla deppul sénégal donc amna yenn détail yalla dafa mu jëpp bokk fokk naana yalla amul jëpp yenn détail diko réglé yalla amul jëpp yenn yo bay parce que al maktoum mu ñu ko wax néna cheikh masna déglu al maktoum mu né amna yenn mbir yo xamné yalla bu ko léré né ko yo bo amé fulag ak fayda pour jëg réglé ko ban nga ko réglé boko disi bu ko way regle sax da ko duggal ci trois du ko regle ci ak ko beugé moy deug di moy deug nañu yew ngir yalla nañu yew corona bi rek ñu def business mi yenn len yo mënd bi ñew na assalamu alaykum yenn len genné len seen kër genné len seen lal té mu lu len fiku man war na yalla kër bu ma yewon sénégal mère bu ma jëkka jëgé dina fa dem ak sama délégation nga yew bok ci ngattum bu mo set nak ñu leen ñu lidenté ko lenen parce que dañoo yeb surtout banlieue dañoo yeb banlieue tegu ñu banlieue muy nit ñuy nit ah dayna war de kenn mu xam na tegu ñu banlieue muy nit de tegu ñu banlieue muy nit way pap ma ngi lay bay tay dañ la joxoto tay dañ ma joxoto tay kay mom dama nak xara dama bay ñu ba ñu ma tali ba jere jeuf la famille dañu ma arama gëna arana ma ngi soga wacc ah arana wuyul yaay deggu degg na muy wax mou lay toy la mou la ko lek merci beaucoup jerejeuf ay ci danaka legui djuroom ben sibili mo ñu déssé pour ñu tej waxtaan bi xam nga bu ñu wax politisation des exonérations néna le Macky Sall 2010 limay wax ni duma len inventer ben histoire ku dem ci YouTube bi gis vidéo bi yëmbal mune wa yëmbal genn len ngeen manifester to bobu ngi nekkone dans l'opposition politiser inondation ku wedd ma tagal bu ñu ñëw ci di xol seen jafé ndox yi bu ñu ñëw di xol te jafé ndox yi dafa am salu ma ngi na ndox yi dafa am lu ko indi cause yu bari benn bi mooy nguur gi moo yor li ñuy wax politique d'habitat et d'aménagement du territoire. Donc moom moo war a def assainissement pour que nit ñi mën a dëkk si loolu li ñuy wax zone. Bii mi ngi nekk en 2010 nekk yëmbal ñu nekk ci mbënd mi comme tey jii ci situation actuelle mu dem fa campagne. Allo waaw hélas ma ngi lay nuyu di la ziar ma ngi lay delloo ziar bu baax waaw maa ngi jéggalu nag ndax yaa ngi doon développe loo maa ngi doon développe lu am solo waaw ay jëm mais waxal rek après ma continuer ak ñoom. Waaw mais Baye Ale man dafa am lu may souligner man gouvernement Macky Sall daf maa def lu ma métti Baye Ale. Yow la ko def. Billahi wallahi. Loolu lan la. Baye Ale boo ko mënee gàttal tamit pour que léegi émission bi jeex ñu mën a jox nit ñi. Allo. Allo maa ngi lay déglu. Ma ne damaa voté élection présidentielle 93. Waaw. Voté 2000. Waaw. Voté 2007. Waaw. Voté 2012. Waaw. Macky Sall 2019 Pape Allé. Waaw. Mois de mai 2018 ma déposé sama carte. Waaw. Ma ngi nekk France benn ville bu ñuy wax Arpajon. Waaw. Ma dem consul ba carte bi génnul ba élection yi passé awuma. Xam nga léegi nooy def. Da ngay jëm. Bu ma récupéré sama carte xaaral ma expliqué la. Waaw mais xam nga tamit ma consul da jéem a gàttal parce que problème personnel la. Pour wax waaw ay ca. Waaw maay jégalu Baye Ale. Waaw ay ca ñu ngi lay déglu. Léegi ba mois de juin 2019 ma delluwaat consul ba expliqué leen ma ñu ne ma daa defaat beneen demande. Ma defaat beneen demande mu nekk ñaari demande. Ba léegi Baye Ale ñaari carte yi mun ma see jot benn. Waaw léegi nag. Li may waxee jow ni ba léegi amatuma. Waaw léegi nag da ngay am ful la di nga ni nga duggee nii da ngay dem ca consul ba taxaw. Am ful la ji ne leen da ngeen ma wax fan la samay carte jaar. Dem naa ñu ne si ça a été délivré ma leen may délivré. Waaw léegi nga déposé waat beneen parce que tu as le temps balaa ñuy dem ci beneen élection. Parce que ça aussi il faut être pragmatique comme demee na noonu dem leen nga ne leen comme munoo leen ma jox sama carte man jotuma sama carte. Damay binduwaat. Ñaari yoon ñaari demande. Waaw d' accord li nga wax dégg naa ko ñaari demande. Lépp wax nga ko mais da ngay delluwaat nga def ko looluy ful la. D' accord. Voilà. Ma bàyyi ma bàyyi la nga développé. incha allah jërëjëf merci beaucoup. incha allah content naa Baye Ale. Ay ci xam nga ma ne président Macky Sall ci boppam xam nga bu ñu wax politisation dafa am lu koy indi moom moo dem yëmbal 2010 boobu mu ngi nekk dans l' opposition fàtte xaju fi. Yóbbu fa dara xam lu mu leen wax lii ba la nit li nga xam moom laa leen bëgg a dëgtal moom la wax parce que xam nga yàq na sunu élan bi ñu dañ wax sax c' est parce que élan bi ñu dañ waxee dafa am solo parce que yàq na élan bi nga xam ne moom lañ doon wax li mu doon wax nee naa ne. C'est plus ou moins quelque chose de personnel. Pour ramener mon nom. The Bluetooth device is ready to. The Bluetooth device is connected successfully. Parce que looy wax rek nañ ko teg ci kaw dëgg ak sa àqulaay taala parce que tey fi may wax ak yéen ni mën naa tëdd du ma yewu su moo ko doon politique 2010 Donc solution durable, solution structurelle, moi je restructure les quartiers, donc assainissement, évacuation des eaux pluviales au moins Donc, solution, moi, je me donne à l'endroit de faire assainissement, évacuation des eaux pluviales. Donc, on va le faire. Pour faire le problème. Dégnoule, limi, wa quoi, yombe. Donc, je suis en train de faire aussi. Mon wa yombe, watch le chef. Délégué. Réunion fumu toll. Ku xéxul do da doom dara. Lepp ñu seen droit. Préfet bu len ko joxul ngeen wacce bara mbedd mi. Mom. Ngeen manifester parce que caution ba len ko may mom. Comme bo bindé du la falé bo waxé du la falé nga génn ñatt kon buñuy wax politisation bu mu nekké ci opposition bi mom politiser won na walu inondation ils sont mal placés pour donner des leçons une déta way mom ci bopam ñu nekk ci élection présidentielle 2019 mo wax li Dakar matin bi may jël réew mi en 2012 Il y avait des dizaines de milliers de populations qui ont gagné leur cœur à cause des inondations. Aujourd'hui, je me mettrai le plan décennal de lutte contre les inondations. Au bout de 4 ans, on a réglé ce problème. Dakar matin. Je me suis réuni en 2012. Il y avait des dizaines de milliers de populations qui ont gagné leur cœur à cause des inondations. Aujourd'hui, je me mettrai le plan décennal de lutte contre les inondations. Au bout de 4 ans, on a réglé ce problème. Le meeting n'a pas de loi. Quand mon milieu politisé, l'eau ramène, ouare et femme là, un milliard de barré le Sénégalais, il coupe. Tant que nous président de la République, pour nous régler ce problème, nous voulons que tu bilans de mon régler en 4 ans. 2012, 4 ans, nous avons réglé notre Dakar matin. En 2012, il y avait des dizaines de milliers de populations qui ont gagné leur cœur à cause des inondations. Aujourd'hui, je me mettrai le plan décennal de lutte contre les inondations. Au bout de 4 ans, on a réglé ce problème. Dakar. Maintenant, comment de barrer d'autres politisations, ils ont politisé. Voilà. Comme big dédicace à Autour du micro, nous allons faire live tout à l'heure, mais je sais peut-être jeudi ou vendredi. Senegalais, I'm going to go to the hospital.